Kaşım yeşil el, etmiş iş mındar. Tayji ammi kuku, ويسك على عنكو ويسارك من دار لدار حتى الباب العطار عاشني شلال ما تمشيش من دار بيجي عمي فوفو ويهزك على كتفو ويسارك من سوق لسوق حتى الباب المرزوق عاشني شلال ما تمشيش من دار خليك معاه اليوم وغدا Mambo soleil, ne t'en va pas de notre maison. Attends, l'oncle Coco, il t'accrochera à son cou et te promènera de maison en maison jusqu'à la porte du parfumeur. Mambo soleil, ne t'en va pas de notre maison. Attends, l'oncle Foufou, il te mettra sur son épaule et te promènera de souk en souk jusqu'à la porte de Marzouk. Mambo soleil, ne t'en va pas de notre maison. Reste avec nous, aujourd'hui et demain.